Ouais, je sais pas si on aurait tenu quoi. Je sais pas si on aurait tenu. On a donné la priorité à l'accroissement de nos enfants, dirons-nous. À un moment donné, on faisait 400 bornes par semaine quand même pour mener nos petits à l'école, là où ça leur, où il nous semblait que ça leur plairait d'aller, machin. Il y en a une qui faisait sa prépa d'ingénieur agro à Valence. Il y en a un qui faisait sa première terminale au lycée de agricole de Gap. Il y en a une qui était à Nantes au collège. Elle était encore en troisième. Et ben là, il fallait quand même un peu des moyens, quoi.